Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, j'animerai cette belle émission sur l'automobile. Marc va me rejoindre un petit peu plus tard parce qu'on va faire un bloc essai à la fin de l'émission. Mais je vais commencer l'émission avec un invité, mon ami, le porte-parole de l'AVEC quand on parle de voitures électriques et un gars que j'apprécie beaucoup et qu'on se parle de temps en temps. Des fois, on passe un peu trop de temps sans se parler, mais c'est Martin Archambault. Salut Martin. Salut Luc, comment ça va? Ça va très bien, toi? Écoute, ça va comme un champion. On est rendu à quelques semaines de Noël, j'arrive à peine à le croire. Ben oui, ça passe assez vite, hein? Mais on a tenu notre promesse parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, on a dit qu'il fallait qu'on se parle avant le temps des fêtes, puis c'est arrivé. On se parle aujourd'hui. Ben, on est tight, par exemple. Encore une semaine d'après moi, puis on était dans le sapin de Noël, là. Possiblement. On va essayer de se parler peut-être une dernière fois avant Noël, mais pour l'instant, on va en profiter aujourd'hui. Là, on a plusieurs sujets que tu veux nous parler de. On l'a effleuré un petit peu avec Marc la semaine passée, parce que ça a été présenté au Salon de l'automobile de Los Angeles. C'est le nouveau Kia e-Soul, le Soul version électrique. Oui, le Kia Soul électrique qui existe déjà, dans le fond, hein, la Kia Soul EV, qui s'appelle la Kia Soul EV actuellement, mm-hmm. qui est une version électrique là, de la Kia Soul à essence qu'on connaît. Il y a une nouvelle mouture qui devrait sortir très bientôt, donc fin de l'année 2019, probablement le modèle 2020, qui va s'appeler la e-Soul. Donc, on change le nom parce qu'on fait passablement de changements chez Kia au niveau de la Soul. On change son look un peu, c'est-à-dire qu'on reconnaît le look de la Soul, bien entendu. Là, on la transforme pas complètement, mais on la modernise dans son look. L'intérieur est complètement redessiné, le tableau de bord, tous les outils d'aide à la navigation. Là, on sent souvent ce qu'on reprochait à Soul, là, du moins dans les deux dernières années, c'est l'espèce d'écart technologique qui se creusait entre Kia avec la Soul qui avait pas bougé depuis de nombreuses années, puis les autres modèles de véhicules sur le marché qui arrivaient avec des versions revampée et pas mal plus technologique. C'est le cas avec la Leaf et bien d'autres. Là, le Kia vient de rattraper un peu le temps perdu, puis en profite pour lancer la Soul dans un format de batterie qui va venir jouer dans les mêmes plates-bandes que la Chevrolet Bolt EV, parce qu'on va avoir une batterie avec une capacité surprenante de 64 kWh sur un véhicule qui, somme toute, est assez semblable en termes de taille à la Chevrolet Bolt, donc on peut s'attendre aussi à des performances semblables. Le manufacturier a annoncé là, les performances sur le cycle WLTP, qui est souvent un peu généreux. Donc, on parle en WLTP de 475 à 500 km. Si on regarde la Chevrolet Bolt, ben elle fait facilement le 400 km l'été, là, sans trop de problèmes. On peut même la monter à 500 km dans des bonnes conditions. Donc, c'est probablement les performances qu'on aura également avec cette voiture-là. Un fait à noter, très intéressant et qui en dit long, c'est qu'on se rappellera que les voitures de Kia, la Kia Soul, étaient fournies avec le port de recharge rapide de CHAdeMO. Mm-hmm. Eh bien, la nouvelle mouture délaisse le CHAdeMO pour s'en aller vers le standard CCS Combo, là, le SAE Combo. Donc, c'est l'autre format de pistolet. Ça veut dire qu'il ne reste plus grand monde avec le standard CHAdeMO. Il reste Nissan, mm-hmm. puis c'est à peu près tout. Donc, est-ce que c'est le champ du cygne de ce standard de recharge rapide japonais qui persiste depuis les tout débuts des voitures électriques là, dans la recharge rapide? Probablement. D'autant plus qu'on apprenait cette semaine que, étant donné qu'en Europe, le réseau de chargeurs rapides de Tesla n'est pas aussi développé qu'en Amérique, mais qu'il y a beaucoup de chargeurs SAE Combo, ben Tesla va produire des véhicules qui vont être compatibles avec le port SAE Combo en Europe. Donc, encore un autre, comme on dit, un autre point en faveur du SAE Combo. Donc, ça semble devenir une tendance qui va se poursuivre. Si je reviens à ma Soul, la e-Soul, mm-hmm. Le moteur donc va être alimenté par une pile de 64 kWh, comme j'ai dit. Ça va être un moteur de 204 chevaux, donc un moteur passablement plus puissant que la dernière mouture, avec un couple de 285 Nm. Donc, on sent que ça va redonner, ça va sûrement redonner là une une petite poussée, un petit relent à ce véhicule-là, qui n'était pas un mauvais véhicule, qui a été très populaire chez Kia, mais qui, depuis 2 ans, là, regardait les nouveaux modèles plus performants, plus technologiques sortir. Puis on dirait que Kia attendait puis annonçait rien de vraiment concret. Donc là, on va arriver avec une version un peu plus moderne. Donc, les amateurs de la Kia Soul vont se reconnaître puis pourront, comme on dit, upgrader vers un modèle qui est pas mal plus up-to-date. Ouais, j'ai hâte de voir parce que ça rend la Soul EV, la nouvelle e-Soul, plus performante que la plus performante des Soul à essence, parce que la Soul à essence avec le petit moteur turbo va développer 201 chevaux. Fait que là, on tombe avec une voiture qui va développer 4 chevaux de plus et le couple va être beaucoup mieux que même la voiture turbo. Donc, ça va être la voiture la plus intéressante à conduire. Puis avec une autonomie de... Bon, mettons qu'on va se dire 425 km pour être, tu sais, juste, là. Ça va être une voiture qui... Tu vas pouvoir la pousser un peu puis tu n'auras pas nécessairement peur de perdre toute ton autonomie parce que tu as fait une accélération trop rapide à un moment donné. Tout va dépendre du prix. Oui, effectivement. Effectivement. Parce que là, Kia est en train de s'auto faire compétition, parce que là on va sortir aussi le Niro électrique qui va probablement avoir le même pack de batterie, même combinaison moteur, parce qu'on s'entend, on a une plateforme, on va l'utiliser à différentes sauces. Fait que là, ça va être quel des deux qui va être le moins cher. Puis j'ai l'impression que le Soul, faut qu'il soit moins cher que le Niro, parce que probablement plus petit, moins huppé, un peu comme voiture. J'ai hâte de voir le prix qu'on va avoir, parce qu'on n'a même pas de prix encore pour le Niro électrique, ou même chez son cousin. Le Kona. Le Kona électrique, on n'a pas encore de prix, fait qu'on le sait pas. Non, effectivement, ça va être intéressant. Et c'est un peu le genre de game qui se joue actuellement qui est intéressant à suivre, parce que les nouveaux modèles, il y a deux choses qui se passent en même temps. Il y a une augmentation du volume de vente qui fait en sorte que techniquement, on est capable de baisser un peu les prix sur les batteries. Par contre, en même temps qu'on fait ça, ben on est encore à l'étape où on veut mettre des batteries plus grosses, parce que on n'est pas encore à un niveau d'autonomie où la moyenne des gens est confortable. Donc, au fur et à mesure qu'on grossit les batteries, les prix baissent. Fait que c'est pas nécessairement proportionnel comme augmentation de prix, mais le step en termes d'autonomie est quand même assez grand. T'sais, on pense des voitures qui ont des batteries de 24 et 30 kWh, puis là, on monte à 60 kWh d'une shot. Donc, c'est sûr que c'est un véhicule qui va coûter plus cher. On peut s'attendre à un véhicule qui va être d'entrée de gamme dans les 42, 44, 45 000 $ là, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, on est dans les mêmes eaux qu'une Chevrolet Bolt. Donc, si ça se vend à ce prix-là pour la Kia Soul, quel prix va se vendre la Kona? Ben, c'est ça, là. Tu sais, tout va se jouer là. Moi aussi, j'ai bien hâte de voir, tu sais, chez les manufacturiers qui commencent à avoir plusieurs modèles électriques. Donc, ils s'auto-concurrencent dans un petit marché de l'électrique. C'est une stratégie ou des stratégies, en tout cas, qu'on n'est pas encore habitué de voir. J'ai bien hâte de voir comment ils vont se démarquer l'une de l'autre. Ouais, ça va être intéressant à voir. Mais si Kia veut vraiment, comme, donner un coup de barre, là, mais faut pas non plus affecter trop Hyundai, parce qu'on s'entend que c'est au fin fond, en haut là, de la pyramide, c'est la même compagnie, là, fait qu'on veut pas nécessairement aller ramasser des ventes chez Hyundai, mais si Kia voudrait vraiment donner un grand coup, ça serait d'offrir le Soul à un prix beaucoup plus bas que la moyenne pour être capable de ramasser le marché. Ouais, ça, ouais. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir vraiment de l'essayer avec la nouvelle autonomie et ça. On s'en va du bon bord pour les autos électriques. Là, avec quand ouais, on parle clair. De 400 plus kilomètres d'autonomie, il n'y a personne qui peut vraiment dire ça répond pas à mes besoins. Ça répond peut-être pas à 100% de vos besoins dans une année parce que vous allez en Gaspésie ou quelque chose comme ça. Mais pour le travail de tous les jours, là, normalement, pour les déplacements de tous les jours, ben oui. C'est ben suffisant oui. pour la majorité des ouais, gens. Ouais, ouais. Mais c'est le prix encore qui va être un peu un retardant là, pour ça. Oui, ouais, tout à fait. Puis écoute, tu vois, ça permet de faire du pouce et de faire le pont sur mon deuxième sujet, parce que tu sais, on parle de voitures qui ont des batteries de 60 kWh ou à peu près, là, puis on passe avant avec des batteries qui avaient quoi, entre 20 et 30 kWh. Puis vois-tu, moi, j'ai une voiture qui a 40 kWh. Puis pour moi, entre la 24 que j'avais avant puis la 40, c'est le jour et la nuit, là, c'est complètement un game changer en termes d'autonomie. J'ai plus jamais, ou à peu près plus jamais besoin de prévoir des recharges dans mes déplacements. Il faut vraiment que j'aille très loin pour avoir à prévoir des recharges. Tu sais, je fais 80 km par jour, moi, pour aller travailler, là, l'aller-retour. Puis l'été, je branchais l'auto 3 jours, puis là, c'est un ici de l'année, je la branche aux 2 jours. Fait que ça donne une idée, là. Je suis pas obligé de la brancher aux 2 jours, mais je peux le faire, là, sans trop de problèmes. Fait que c'est vraiment un game changer. Fait qu'avec des batteries de 60 kWh et plus, on est capable de, évidemment, là, de tomber avec une proportion de nos déplacements couverts qui est pas mal complet. Puis le fait que ces voitures-là, ben, aient des caractéristiques plus intéressantes, ça crée une petite pression pour en acheter plus. Puis on se plaignait depuis de nombreuses années qu'il y avait pas beaucoup de voitures de disponible. La loi zéro émission est arrivée en place juste en début d'année, mais on sait que pour cette année, puis même l'année prochaine, elle n'a pas beaucoup de mordant. Mm-hmm. Il nous est arrivé quelque chose qui nous a donné un coup de main qu'on n'avait jamais vu venir, puis c'est l'abolition de la subvention pour achat de véhicules électriques en Ontario. Mm-hmm. Le gouvernement Ford qui a décidé de retirer la subvention de 14 000 $ qui était disponible pour les Ontariens à l'achat d'une voiture électrique neuve. Ce qui est arrivé, c'est que cette subvention-là, quand elle a été mise en place, ça a créé énormément de demandes en Ontario. Les manufacturiers ont fabriqué et ont prévu une livraison de beaucoup de véhicules électriques. En fait, plus de 50 % des véhicules produits au Québec étaient destinés au marché ontarien. Et puis, comme l'espèce d'air d'aller là, tu sais, qui arrive normalement au début de l'été, là où il y a une augmentation des ventes des véhicules, ben le gouvernement est arrivé en place et a aboli cette subvention-là, ce qui a eu pour effet que la quasi-totalité des véhicules électriques qui étaient prévus pour l'Ontario ont été redirigés vers le Québec, qui est comme la manne pour la vente de véhicules électriques, là, parce que on vend à peu près 50 % des véhicules électriques du Canada se vendent au Québec ou à peu près. Mm-hmm. Donc, ça l'a créé artificiellement, je dirais, entre le mois de mai puis maintenant, là, une hausse de disponibilité des véhicules électriques. Donc, que ce soit, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Là, Volkswagen n'en avait pas même un plus parce qu'ils produisent quasiment au compte-goutte. Oh, ouais. Oui, puis c'est pas exagéré. Mais si on regarde Chevrolet Bolt, la Ioniq, la Nissan, il y en a. J'ai jamais vu autant de Nissan. Les concessionnaires avaient des cours pleines de Leaf. Là, tu avais le choix de la couleur sur place. C'était pas un problème. Ouais, donc, je passe à Vaudreuil tous les matins sur la 40, puis il y a un Nissan sur le bord de la 40. Puis il y a des Leafs, des nouvelles Leafs là, stationnées dans son parking. Là. Il y en a en vente. Là. Ah oui, oui. Ce qu'on ne voyait pas avant. Là. Ah non, effectivement. En fait, Nissan a probablement été historiquement le manufacturier qui a rendu disponible le plus de véhicules, mais jamais à ce point-là. Puis entre la fin de son modèle 2017 puis l'arrivée de la 2018, il y a eu comme un trou, là. Il y avait plus de 2017 de disponible, puis le nouveau modèle, la version 2, là, de la 2018 et maintenant la 2019, était pas arrivé. Fait que là, il y a eu un petit creux, mais à part ce petit creux-là, avant et après, il y en a toujours eu de disponible, mais là, non seulement il y en avait, mais il y en avait beaucoup, parce qu'en plus, celles de l'Ontario se sont emmenées ici. Fait que le résultat, ben, il s'est vendu beaucoup de véhicules électriques cet été. En fait, il y a des concessionnaires, entre autres le groupe Albi, qui disait cet été que les ventes de véhicules électriques ont représenté 25 % de leurs ventes. Ça commence à être de la vente, ça, là. Ouais. Puis la même chose du côté de Nissan Saint-Hyacinthe, où les ventes de véhicules électriques ont avoisiné les 30 % de ventes. Donc, ça veut dire qu'une voiture sur trois ou à peu près qui sortait du concessionnaire était une voiture électrique, que ce soit chez Nissan et ailleurs, soit dit en passant. Donc, ça a vraiment donné un gros coup de main sur les ventes. Mais là, ça m'amène sur mon troisième et dernier sujet, les ventes de la Nissan Leaf, parce que évidemment, elle était disponible, elle est en demande et elle est intéressante à plein de niveaux. La Nissan Leaf s'est vendue, mais elle s'est vendue beaucoup. C'est toujours difficile d'estimer où on se positionne dans tout ça. On sort des chiffres, nous, à la VEC, on voit le nombre de véhicules immatriculés là, par marque, donc on sait combien de Nissan Leaf se sont immatriculés au Québec, mais à un moment donné, on se dit, c'est-tu gros, c'est-tu pas gros, on se situe où? D'un dernier jour, lors d'une entrevue là, qui a été faite par Daniel Breton, qui parlait justement avec le directeur des ventes pour Nissan Canada, pour l'Est du Canada, ben il nous a confirmé que la vente de Leaf est telle que le Canada se situe au quatrième marché mondial après les États-Unis, le Japon et la Norvège. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Canada est au quatrième plan, mais au Canada, 70 % des Leaf sont vendus au Québec. Okay. Ça veut dire que le Québec n'est pas au quatrième rang, mais quasiment, là, juste le Québec. Donc, quand on constatait avec stupéfaction pendant l'été la quantité de livres qui se vendaient, écoute, moi, juste sur ma rue, là, j'ai une petite rue, je ne suis pas dans une grosse rue, là, peut-être une rue qui a peut-être une, je sais pas, sans trop exagérer, peut-être entre 30 et 40 maisons. Ben on est rendu qu'il y a 5 autos électriques sur la rue, dont 3 Nissan Leaf. Là. Fait que ça va vite. On le voit, on en voit beaucoup sur les routes. La 2018, la 2019 est sortie, pareil comme la 2018, mais est également est maintenant vendue et distribuée. Donc, le modèle est très populaire. C'est un segment qui est peut-être pas très exploité par les autres fabricants, c'est-à-dire qu'on a des batteries de 24-30 kWh, puis après ça tombe à 60. Nissan est à 40 entre les deux. Ouais. Puis est à peu près la seule dans cette plage-là. Donc, pour à peine plus cher qu'on avait une Nissan avec une batterie de 30 kWh il y a à peu près un an et demi, deux ans, on en a une qui a 40 kWh, 25% de plus. On est comme dans un entre-deux. On a une autonomie de 250 km, mettons 220-250 km, tout dépendant de la conduite, là, je dirais, là, l'été. Donc, c'est une autonomie qui est super intéressante, mais qui n'est pas au prix des modèles avec des batteries de 60 kWh là, qui avoisinent plus les 45 000 $ canadiens d'habitude avant subvention. Ouais. Alors voilà, mon cher ami. C'est un peu le but de Nissan aussi en sortant ce véhicule-là. Nissan était parfaitement au courant que la Bolt existait. Là. Puis était parfaitement au courant que la Tesla 3 s'en venait. Puis était parfaitement au courant que d'autres manufacturiers s'en venaient avec des voitures avec des plus grosses batteries. Ils ont décidé de manière planifiée d'aller avec une batterie un peu moindre pour offrir la voiture à un prix un peu plus abordable que ce qui se fait ailleurs, tout en sachant que dans un an ou deux, il allait aussi offrir une option à 60 kWh, une batterie de 60 kWh. La seule chose, c'est que là, ça a été retardé un peu à cause du départ de Carlos Ghosn. Ouais, tout à fait. On a entendu parler que la Nissan à plus grosse batterie, la Leaf à plus grosse batterie serait un peu reportée. J'espère que le projet n'a pas été mis de côté à cause de la nouvelle direction chez Nissan. J'espère que Nissan va continuer parce qu'ils sont quand même des pionniers là, dans le domaine de la voiture électrique. C'est les premiers à avoir offert, ben, peut-être avec Mitsubishi, là, à avoir offert un véhicule électrique au grand public. En tout cas, avec la Leaf, un véhicule électrique qui avait moins l'air d'un extraterrestre. Là. Ouais. Mais bon, fait que j'espère que ça va continuer aussi. Mais il y a plein de véhicules qui sont présentement commercialisés, comme même la Hyundai Ioniq. La prochaine, probablement que l'année prochaine, elle va avoir plus d'autonomie. Peut-être pas beaucoup plus, mais elle va quand même avoir plus d'autonomie. Si on regarde chez Hyundai, chez Kia, chez Chevrolet, ils ont présentement tous des technologies à plus que 400 km d'autonomie. C'est certain, c'est écrit dans le ciel qu'ils ne resteront pas assis sur leur laurier en offrant un, deux produits avec ces batteries-là dedans. Ça a coûté cher de développement de la plateforme, de la motorisation, des batteries. On va voir ça apparaître tranquillement d'ici 2020, 2023, 2025 dans différents modèles. Je ne serais pas surpris de voir une version électrique de la plupart des modèles d'un constructeur à un moment donné. On va avoir l'option entre, comme avant, on avait l'option à essence ou diesel, mais on va peut-être avoir une option essence ou électrique. Oui, effectivement, c'est à venir. Puis dans le cas de Nissan, il y avait, oui, la batterie plus grosse, il y avait aussi la technologie de batterie qui sera différente dans la Nissan Leaf avec batterie de 60 kWh. On va parler d'une batterie qui va être thermorégulée, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de la version 2018 et 2019 de la Leaf actuelle. C'est ce qu'on peut... En fait, c'est probablement une des seules choses qu'on peut y reprocher. Ça l'affecte un peu ses performances de recharge rapide là, par temps froid ou temps chaud. Donc, le véhicule va protéger la batterie en ralentissant la charge puisqu'il n'est pas capable de refroidir la batterie autrement. Mais les nouvelles technologies de batterie sont maintenant thermorégulées, ce qui permet là, de maintenir des courants très forts longtemps. Donc, des recharges rapides, beaucoup plus rapides. Puis accepte également des puissances de recharge plus grandes, donc 100 kW de recharge. C'est d'ailleurs ça qui est annoncé pour la Soul EV dont on parlait tantôt, là, la E-Soul en fait, là, dont on parlait tantôt. Donc les nouveaux véhicules vont aussi arriver avec des puissances de recharge plus grandes parce que les nouvelles technologies de recharge rapide en haut de 50 kW, ça s'en vient. Il va y avoir des stations test installées cette année pour du 100, probablement du 100 et du 175 kW. Donc, les nouvelles technologies de batterie qui prennent cette puissance-là vont être capables de tirer bénéfice des nouvelles générations de chargeurs ultra rapides qui s'en viennent. Donc, l'avenir est intéressant pour la voiture électrique. Tout à fait, mon cher ami. On a encore plusieurs années à se parler, je pense. Super, Martin. Donc, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils ça? Par courriel à martin@aveq.ca. Puis, vous pouvez aller visiter avec.ca si vous voulez avoir des informations sur les véhicules électriques. Merci encore une fois, Martin. Puis, on va essayer de se parler une dernière fois avant le temps des fêtes. Ça va me faire plaisir. Merci, tout le monde. Merci. Bye-bye. Donc, nous, on va faire une pause et on va revenir avec Marc et son essai de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure du bloc essai de la semaine. Ça sera ton essai parce que moi, je vais commencer à reparler d'essai la semaine prochaine. Cette semaine, toi, tu vas nous parler du Lincoln MKC et de Lincoln en général. Oui, bien Lincoln, on en parle parce que c'est une compagnie qui a vraiment beaucoup progressé au cours des dernières années. On essaie vraiment, vraiment d'aller chercher une nouvelle clientèle. Et pour faire ça, ben, on mise sur des nouveaux designs, sur des véhicules vraiment mieux réussis. On a vu, bon, récemment, on a lancé l'Aviator en version de production au Salon de l'Auto de Los Angeles il y a quelques temps. On a le Nautilus qui vient d'arriver chez les concessionnaires avec un nouveau style. Et moi, j'ai essayé le MKC 2019 qui a subi quelques changements, surtout au niveau esthétique, en fait, pour ramasser la même grille que les anciens, que les autres Lincoln ont. Parce que cette grille-là, on l'avait vu au départ sur le Navigator, sur la Continental, entre autres, et mon Dieu qu'elle a de la personnalité. Ouais, c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant, parce qu'avant, c'était comme un peu affreux, là. C'est ça, vraiment, vraiment. Mais là, c'est vraiment beau. En fait, il ne reste que le MKT de mémoire qui a gardé la vieille grille en 2019. Tous les autres modèles ont changé leur grille. Alors franchement, c'est assez réussi. Okay. Et dans le cas du MKC, je t'avoue que moi, je l'avais essayé, j'avais pas de grandes attentes. Okay, je vais être honnête avec toi, c'est pas un véhicule qui, sur le coup, m'inspirait. L'impression que tout le monde a, c'est que c'est un Ford Escape un peu pimpé, un peu amélioré en termes de look. Ce qui n'est pas complètement faux, il faut bien l'avouer. Là. Non, oui. Mais c'est un véhicule qui, ma foi, va très bien. J'ai fait l'aller-retour là, de chez nous jusqu'à Québec dans le plus grand des conforts avec un bon silence de roulement. C'est bien équipé. Les sièges offrent un excellent support. Tu es capable vraiment de trouver une bonne position de conduite. Et la qualité de finition à l'intérieur, bon, oui, il y a des défauts. Il y a du plastique dur. Ça me dérange. Ça, profondément, là, je vais me confesser tout de suite, là. Autour de l'écran central, de la console centrale, ils ont mis une espèce de plastique dur noir. Tu sais, quand tu cognes dessus, c'est comme un ordinateur, là. Tu sais, tu cognes dessus, ça fait toc-toc, là. Ouais. T'as l'impression qu'à toutes les fois que tu y touches, ça fait une marque. S'il fallait que, tu sais, j'ai eu une voiture où quand mon épouse avec ses bagues accrochées de plastique, ça marquait. J'ai exactement la même sensation autour de cette console-là. Ça fait vraiment pas à la hauteur. Mais c'est un peu plus acceptable dans un Edge, un peu moins dans un Lincoln que tu payes beaucoup plus cher pour. Là. Exactement. Et là, dans un Escape, en passant, t'as failli faire la même erreur que moi. Mais c'est dans un Escape. Okay, ouais. Mais le reste, c'est beau. Il y a des espèces de boiseries. Puis, et oui, il y a des espèces de plastique, mais c'est un plastique mou. C'est un plastique comme rembourré autour sur la planche de bord et tout. C'est vraiment la console centrale qui fait comme, ben, coudonc. Ils ont oublié de la finir, celle-là. C'est plate parce que c'est la première chose que quelqu'un va remarquer en s'assoyant dedans. Oui, puis c'est l'endroit où tu as les mains le plus souvent. Ouais, ouais. Parce que tu changes de poste, parce qu'à l'intérieur, il y a quand même le système Sync, évidemment. Qui est bien. Qui est très bien, qui va de mieux en mieux, dont les commandes vocales sont de moins en moins en chinois, ce qui est quand même intéressant. Qui apprend aussi avec ta façon de parler. Donc ça va bien. C'est facile là, de se plugger Bluetooth, Apple CarPlay. Bon, l'intégration de tout ce que tu veux au niveau de la connectivité, c'est super génial. Si tu es abonné, ben ça devient un hub, là, ça devient un hotspot pour que tu puisses brancher tes appareils intelligents à Internet. Okay. Et le système de son, bien sûr, chez Lincoln, on s'en rappelle, c'est le THX2. Système de son qui est vraiment de haute qualité. Qui va vraiment, vraiment bien et qui est facile à contrôler puis qui donne vraiment une atmosphère musicale à l'intérieur. Okay. Ça, je ne peux pas me plaindre. L'espace intérieur est correct. En arrière, il y a de la place, mais tu sais, c'est l'Eston Escape. Hein. À ce niveau-là, c'est la même chose. En arrière, il y a de la place. L'espace de chargement est aussi tout à fait raisonnable. Bon, il est facile d'accès, il n'y a pas de problème là-dessus et tout. Et le moteur, ben écoute, tu as deux motorisations disponibles avec le MKC. Tu as le 4 cylindres 2.3 litres de turbo compressé qui fait 285 chevaux. C'est quand même bien, oui. Ouais, c'est pas. Évidemment, c'est un EcoBoost, là, tu auras compris. Même chose au niveau du 2 litres EcoBoost de 240 chevaux. Même la version de base est à 240 chevaux, ce qui n'est pas négligeable. OK. Mon gros bémol, en fait, c'est que bon, ça se conduit bien, là, t'as pas de grandes sensations, puis tu viens pas tout énervé quand tu conduis ce véhicule-là. Mon gros bémol, il est au niveau de la consommation d'essence. Ouais, ça, j'ai eu le même problème avec l'Escape quand je suis allé à Ottawa avec. Quand on a fait l'essai de la Leaf à Ottawa, j'étais descendu avec l'Escape, puis j'ai trouvé que les consommations étaient un peu élevés pour ce genre de véhicule-là. Écoute, j'ai pris la moitié d'un réservoir pour faire Saint-Hyacinthe-Québec. Ouais, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça veut dire une moyenne d'à peu près 12,3 litres au 100. Parce que quand tu compares avec les compétiteurs dans ce segment-là, t'es à peu près à 8,5-9 litres au 100 km sur l'autoroute. C'est sûr, si tu fais beaucoup d'eau de ville, tu vas augmenter ta consommation. Mais normalement, sur l'autoroute, là, tu sais, chez Hyundai ou chez Kia, tu vas être en bas de 9 litres au 100 km. Là. Écoute, moi, je suis parti de 500 mètres de l'autoroute pour faire la ville, puis je me suis rendu là-bas, puis j'ai moins d'un kilomètre à faire dans la ville à Québec. Oui, non, okay. C'est inacceptable. C'est le gros problème chez Ford, puis il va falloir qu'il règle. C'est vraiment incroyable. J'en revenais pas. C'est vraiment, vraiment élevé, et c'est dommage, parce que ça vient un peu compromettre l'expérience agréable de conduite que tu as avec le Lincoln. OK. Puis c'est plate parce que j'ai conduit, moi, il n'y a pas si longtemps, la Continental, okay, qui est une belle voiture aussi, qui est absolument magnifique, vraiment, que moi, je trouve super belle, en tout cas, là, ouais, et que j'avais utilisée pour un mariage, pour un ami, pas le mien, là, t'auras compris. Non, mais tu sais, j'aime mieux tout t'expliquer, toi. Honnêtement, j'avais pas senti ce même problème-là. Faut dire que, bon, la version que j'avais de la Continental, c'était quand même la grosse Continental avec le plus gros des moteurs. Ouais. Avec un moteur 3 litres traction intégrale. Mm-hmm. Donc, je m'attendais à une consommation plus élevée parce que c'est quand même 400 chevaux. Là. Ouais. Mais honnêtement, j'ai eu une meilleure consommation, une meilleure moyenne de consommation avec la Continental que j'en ai eu avec le MKC. J'ai l'impression que c'est leur 4 cylindres qui n'est pas nécessairement efficace. Puis, je sais pas où le, tu sais, c'est-tu la transmission qui est mal calibrée? J'ai aucune idée. Mais j'avais l'impression que moi, avec l'Escape, que la transmission était un peu n'importe où. Là. On dirait qu'elle avait de la misère à suivre. Puis ça aide peut-être pas si le moteur est pas optimisé. Je sais pas. Mais il y a clairement un problème avec les 4 cylindres turbo. Oui, puis, et comme je te dis, je peux pas, tu sais, je peux difficilement te dire, là, la transmission. J'ai fait essentiellement de l'autoroute pour cette portion-là. En ville, ça va relativement bien, mais quand même, là, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. C'est une automatique 6 rapports en passant. Et bien sûr, c'est un rouage intégral. On ne l'a pas dit encore. Là. Ouais. C'était quand même important de le dire. C'est rouage intégral de base. Là. De base, de série. Là. Il n'y a pas d'option traction, là, tout simplement, non. Sur le MKC. Non. Ceci étant dit, ça fait quand même un véhicule, outre la consommation, ça donne quand même un véhicule qui est très intéressant. Intéressant parce qu'il n'est pas si cher. Il est cher là, dans la mesure où c'est 45 000 $ mais vous visez une clientèle de luxe avec ça. Donc, c'est assez raisonnable finalement pour ce que l'on a, à l'exception du plastique dur au centre. L'autre élément, c'est que Lincoln mise beaucoup, beaucoup maintenant sur la qualité du service. Bon, moi, je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir, ce qui est une bonne nouvelle, tu me diras. Mais ils ont décidé qu'ils misaient sur les concierges. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que tu as maintenant, avec chaque voiture Lincoln, un concierge qui va t'aider, qui va répondre à tes questions sur les produits, qui va être capable de prendre des rendez-vous pour toi quand tu vas chez le concessionnaire, qui va même pouvoir t'aider là, un peu à la... comment ça s'appelle? OnStar chez GM? Oui. Bon, t'as un concierge qui t'est attitré, fait que c'est quand même assez unique comme principe. On mise vraiment beaucoup davantage sur l'expérience plus que sur l'achat de la voiture elle-même. Oui, c'est ça. Fait que mais au moins, t'as ce plus-value-là, là. Mais ça prendrait probablement plus que ça pour me faire acheter un Lincoln, je t'avouerais. Là, parce que, ben oui, mais on n'est pas la clientèle non plus. Non, on n'est pas la clientèle cible. Puis on en voit sur la route des Lincoln quand même. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. C'est peut-être une manière de... Mais moi, je pense qu'il va en avoir de plus en plus parce que tu as deux nouveaux modèles. Le Nautilus qui vient d'arriver chez les consommateurs, chez les concessionnaires, et l'Aviator. L'Aviator qu'on a dévoilé puis qui offre quand même... C'est une espèce de... Moi, je pourrais dire, c'est l'Explorer version Lincoln, l'Aviator, mm-hmm. Qui arrive avec un moteur V6 biturbo, le même qu'on a dans la Continental. 450 chevaux. Écoute, quand même, là... Ça va déménager un peu ce camion-là, et il est beau, il est vraiment joli, avec une partie avant qui est nettement améliorée. Donc moi, je pense que Lincoln a fait vraiment de gros efforts à ce niveau-là pour être capable d'aller attirer des gens et pour essayer de rajeunir sa clientèle. Puis c'est vrai dans presque tous les modèles. On mise aussi sur beaucoup beaucoup de technologies, entre autres le fameux Lincoln Noé là. Lincoln Way, c'est une application que tu peux installer sur ton téléphone qui va te permettre de déverrouiller ta voiture, mais aussi de la démarrer à distance, et même, je pense, de faire avancer et reculer la voiture dans des stationnements plus serrés. Okay. Tu as ça sur l'Aviator, évidemment pas sur le MKC, tu auras compris. Là. Ce que je veux dire, c'est que ça permet quand même d'aller chercher une clientèle qui est un peu plus... tech savvy, là, des gens qui veulent un peu plus avoir la technologie puis ce genre d'affaires-là. Donc, ils visent vraiment une clientèle beaucoup plus jeune, beaucoup rajeunie. Ouais. Et je pense qu'on va en avoir plus. Mais est-ce que ça va être une question de volume? Vraiment pas. Je ne pense pas que le volume va jamais être au rendez-vous chez Lincoln. En tout cas, pas du grand volume certain. Là. Non, mais c'est difficile. Buick a essaie encore de rajeunir sa clientèle. Cadillac essaie de rajeunir sa clientèle. On voit ce que ça donne. Lincoln essaie de rajeunir sa clientèle. Le problème, c'est pas nécessairement les produits que tu offres. Le problème, c'est d'amener ces gens-là dans le concessionnaire. Puis ça, c'est pas nécessairement une chose qui est accomplie. Là. C'est de faire rentrer le jeune chez Ford pour aller voir un Ford ou un Lincoln qui est difficile, parce que les jeunes vont chez Nissan, chez Honda, chez Toyota, chez Hyundai, chez Kia, mais ils ont de la misère à aller chez les constructeurs américains depuis un petit bout de temps. On dirait que c'est les clients un petit peu plus vieux qui vont encore chez GM, puis chez Ford, puis chez les Américains. Fait que ça va prendre du travail, puis beaucoup, beaucoup de travail pour amener les jeunes dans ces concessionnaires-là. Là. Oui, puis ça prendrait des modèles qui sont plus... comment je pourrais dire... les jeunes vont rentrer chez Nissan pour aller voir une GTR, puis ils vont partir avec une Micra, tu sais. Ouais. rêve et la réalité. C'est ça, mais il n'y a rien chez Lincoln qui fait rêver, là. Non, pas du tout. Ça doit être rare, les jeunes entre 25 et 30 ans qui rêvent d'un Continental ou d'un MKC ou d'un MKZ ou peu importe. C'est ça. Exactement. Ça prendrait quelque chose pour les faire rentrer là. Puis c'est pas le jeune qui va entrer pour aller voir une Mustang GT qui va ressortir avec un Continental ou un MKC. Là. Ben c'est non, pas le même non. marché. T'sais. Fait que t'as rien pour faire ce qu'on appelle du cross-shopping. Là. Ouais. Ouais. Qu'on verra. Exactement. Voilà, mon cher. Alors, c'était ce qui conclut mon essai de la MKC. C'est bon. Donc, Marc, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, évidemment, mon blog, marcbouchard.ca. Sinon, Twitter, Marc_Bouchard. Ou ma page Facebook, Marc Bouchard, c'est le meilleur moyen. Sinon, info@saroulradio.com. Exact. Et puis, vous pouvez aller aussi sur saroulradio.com pour aller télécharger les émissions en MP3 ou les écouter directement de là. Si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Scalazormo. Sur Facebook, c'est Luc Desormeaux. Et sur Instagram, c'est DesormeauxLuc. Vous pouvez nous écouter à travers iTunes, Google Play et Spotify. Comme j'ai dit aussi, vous pouvez télécharger ou écouter l'émission directement du site web. Et vous pouvez nous écouter sur les radios web sportradio.ca et Radio Média Plus, qui nous diffuse plusieurs fois par semaine. On les remercie d'être partenaires avec nous, qu'on pourrait dire. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Merci aux auditeurs de nous suivre semaine après semaine. C'est très, très apprécié. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Ça roule Radio. Bye tout le monde. Bye bye.